vivre au-delà de la mode. En fait, l'individu qui est conscient ou qui se conscientise va vivre au-delà de la mode, c'est-à-dire au-delà des éléments qui cherchent à conditionner le groupe, qui sont mis en place par des ingénieurs sociaux qui visent à moduler, à modifier les comportements de certaines sociétés en relation avec des éléments qui servent des lobbies, des groupes d'influence. Eh bien, c'est sûr que l'individu qui est conscient ou qui se conscientise, qui est initié à l'intérieur de lui-même par son esprit pour se supporter dans son individualité, eh bien, il va vivre au-delà des paramètres sociaux dans le sens de ne pas être soumis à des paramètres sociaux. C'est sûr que s'il cherche la paix sociale, il peut donner l'impression de faire preuve de conformité d'apparence, mais fondamentalement, la personne va s'écouter d'abord. Et c'est sûr que mes enregistrements que je fais sont dans l'optique d'une actualisation individuelle. Et la mode, dans le fond, peut être extrêmement malsaine dans le sens que ça peut, ce qui est mis de l'avant par des ingénieurs sociaux, aller à l'encontre du bien commun par rapport à des individus d'une collectivité donnée. Donc, l'activité des ingénieurs sociaux ne date pas d'hier. Naturellement, au fil des siècles, des époques, la société a été façonnée par des intérêts politiques et également économiques. Donc, l'un des cas l'un des cas qui a eu de l'impact, oui, beaucoup sur la société et des répercussions sociales qui datent d'à peu près 100 ans, ça a été la campagne publicitaire des torches de la liberté, donc en anglais « Torches of Freedom ». Donc, pendant que je vous parle, je regarde, là, c'est un texte en anglais là, sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia, mais qui est extrêmement intéressant. C'est qu'il est question qu'avant 1929 aux États-Unis, eh bien, des femmes qui fument en public, c'était un tabou social alors. Et pour mettre fin à ça, il y a eu Edward Bernays qui a décidé d'embaucher des femmes pour participer à une marche tout en fumant la cigarette et pour combattre la barrière sociale là, des femmes qui fument en public. Et sa campagne a porté fruit. Donc ça, c'était en 1929, dans le sens que par la suite, il y a eu des femmes là, qui se sont mises à fumer en société. Donc, le fait de fumer pour une femme en 1929 s'était présenté comme un comportement d'émancipation sociale. C'était vu comme quelque chose qui allait dans le sens du mouvement du féminisme, alors qu'en réalité, l'intérêt d'une multinationale du tabac pouvait être tout simplement d'exploiter le désir d'émancipation de la femme pour par la suite l'amener à fumer puis à croître ses marchés. Dans le sens que si les hommes et les femmes fument la cigarette, ben, ils vont avoir davantage de clients que si c'est juste les hommes. Et c'est sûr qu'avec le recul historique, ben, ça date d'il y a environ 100 ans, ben, il y a eu d'autres campagnes d'ingénierie sociale là, à différents niveaux. Et avec le recul historique, on peut réaliser que bon, il y a plusieurs femmes qui ont fumé la cigarette, qui ont développé des problèmes de santé, comme par exemple le cancer du poumon. Donc, à quelque part, de faire la promotion de ce produit à l'ensemble de la population féminine, ça a été néfaste pour plusieurs d'entre elles. Donc, la mode ne va pas nécessairement dans le sens de l'intérêt du bien commun, et ça, c'est à plusieurs niveaux. D'où le fait que la personne qui se conscientise doit toujours s'écouter d'abord. C'est avec le recul critique qu'on peut porter un jugement par rapport à des modes qui ont été imposés là, par rapport à du collectif. C'est sûr que quand on cherche à implanter une mode, ben, la personne peut faire preuve d'esprit critique. Donc, récemment, en fait, il y a eu la période qu'on a dite de pandémie. Donc, selon l'Organisme mondial de la santé et également les médias de masse, et la mode qu'on voulait implanter, c'est que les gens se fassent injecter une substance avec des doses de rappel environ tous les 3 mois. C'est sûr que pour le lobby industriel qui cherche à vendre des vaccins, eh bien, ça serait une opportunité d'affaires extrêmement lucrative, dans le sens que si on a des clients réguliers, puis à tous les 3 mois, ils vont prendre leur dose. C'est une industrie intéressante, un peu comme celle de la vente de l'insuline pour les diabétiques qui doivent prendre leur dose d'insuline régulièrement. Donc, ça fait des clients qui sont abonnés. C'est sûr que cette tentative d'ingénierie sociale, eh bien, elle n'a pas eu le succès escompté. Mais l'être humain est confronté à différentes forces qui ne travaillent pas nécessairement dans son bien, l'intérêt du bien commun, mais que ses propres intérêts. Donc, on cherche à implanter des modes à travers, entre autres, des campagnes publicitaires. Par exemple, on peut voir dans une campagne publicitaire un groupe d'hommes qui vont écouter une partie de hockey au Québec. Probablement qu'en Europe, ça va être un match de foot. Là, ils boivent de la bière. Or, c'est sûr que si quelqu'un prend trop de bière, il peut développer un problème d'alcoolisme, donc c'est pas nécessairement dans son intérêt. Et il y a différentes modes à différents niveaux. Par exemple, il y a eu le lobby pour remplacer le sucre par l'aspartame. Or, récemment, j'ai tombé sur un article de l'Organisme mondial de la santé qui remettait en question l'utilisation de l'aspartame comme substance substitut du sucre. Et là, on parle de la possibilité que ça pourrait être néfaste pour la santé, là. Mais il y a plusieurs personnes qui avaient sonné l'alarme, là, il y a plusieurs décennies. Bref, le collectif, dans le fond, a à s'ajuster en relation avec des problèmes de cupidité et d'égo qui vont chercher à mettre de l'avant des produits qui sont pas nécessairement dans l'intérêt des individus qui composent le collectif, là. Donc, c'est sûr que c'est à travers les contre-coups de ces produits et le recul historique que le collectif peut voir plus clair. Donc, aujourd'hui, avec le recul historique par rapport à la question de la cigarette dont on faisait la promotion en 1929, tout le mouvement là, de la campagne là, des torches de la liberté, on peut voir que quelque part, c'était pas nécessairement ce qui était le plus propice pour la santé. Là. Mais ça prend du recul. Puis c'est la même chose pour plein de choses, mais l'individu qui est capable de voir à travers les lobbies d'influence, la manipulation, ben il peut voir à quelque part si on cherche à l'embarquer dans quelque chose qui est bien ou néfaste pour lui. Et c'est sûr que il y a aussi des phénomènes, que ce soit la cigarette, l'alcool, ensuite la drogue, la légalisation de la drogue, ou là même la promotion. Il y a eu le mouvement, entre autres, des Peace and Loves, donc à la fin des années 1960, qui a fait la promotion de la drogue. Et avec le recul, ben on peut regarder si ça a été utile ou néfaste là, pour des sociétés occidentales là, comme celle américaine ou autre, là, avec le recul critique. Sauf que le point que je veux faire ici, dans le cadre de cet enregistrement, c'est que le collectif, les individus qu'ils composent, s'ils réalisent que quelque chose est néfaste pour la santé, ça peut prendre plusieurs années, voire plusieurs décennies. Parce que la collectivité est comparable à un immense paquebot dont la trajectoire est difficile à faire dévier. Le collectif est sous influence de forces qui sont économiques. Prenons par exemple des lobbies du produit laitier. Bon, mais les lobbies du produit laitier vont mettre de la pression pour que le guide alimentaire canadien ou américain comporte de nombreux produits laitiers. Et avec le temps, ben sous l'influence de d'autres forces qui voient les limites de tout ça, ils peuvent diminuer la quantité puis vouloir augmenter la quantité de fruits et de légumes. Donc, les lobbies travaillent dans leur intérêt et c'est de réaliser que c'est le conflit entre des intérêts différents qui vont amener des tensions sociales, qui vont amener aussi le développement aussi. Comment qu'on pourrait-on dire? C'est sûr, il y a les médias officiels, il y a les médias alternatifs, donc de différentes voix discordantes. Et tout ça est en relation avec l'orgueil. Donc, le désir, l'appât du gain, le désir de faire de l'argent, le désir de profit qui amène à fermer les yeux sur l'utilisation de certaines substances qui peuvent être toxiques pour l'individu. Tout ça, ben, ça doit être vu avec clarté. Il y a eu la promotion de l'industrie de la nourriture rapide pendant plusieurs décennies. Quelque part aujourd'hui, ben, on se ramasse avec des problèmes d'obésité là, dans la population. Mais il faut s'écouter d'abord. Et puis, ce que je réalise, c'est que les modes, c'est souvent longtemps, si la mode est vraiment objectivement malsaine, que le collectif s'en rend compte. Mais des fois, c'est trop tard pour certaines personnes. Donc, récemment, j'ai eu vent d'un monsieur là, qui est atteint d'Alzheimer. Et par rapport à lui, j'ai été voir sur Internet, je partagerai le lien web. C'était une vidéo intéressante, ça s'appelle Les pires aliments pour le cerveau. Et là, dans la vidéo, ce qu'on réalise, ben, c'est tous les aliments là, avec le sucre blanc, le riz blanc, donc. Le glucose, en fait, les glucides raffinés, là, les fameux sucres raffinés, là, qui semblent être à l'origine de plein de problèmes. Et c'est sûr que ce qui est dit dans la vidéo, c'est que le cerveau est l'organe du corps le plus affecté par une mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation détruit les cellules cérébrales et réduit le volume du cerveau, préparant ainsi le terrain aux maladies neurocognitives. Donc ça veut dire que l'alimentation que la personne a dans sa vie va préparer sa vieillesse et le cumul d'une alimentation nuisible, délétère, bon, ben, ça peut amener la personne à développer l'Alzheimer ou d'autres problèmes. Quelqu'un qui mange trop salé, dans certains cas, ça va amener la personne à développer de l'hypertension. Ensuite, le sucre, ben, c'est sûr que ça amène différents problèmes de santé. Il y a le diabète, l'obésité. Ensuite, là, ce que j'ai vu là, à travers cette vidéo, ben, c'est la maladie d'Alzheimer. Fait que, tu sais, je regardais ça avec ma conscience. C'est un monsieur avancé en âge dont j'ai eu le vent du cas. C'est sûr que sur le plan humain, ben, je trouve ça déplorable qu'une situation pareille arrive. Donc, un monsieur qui connaît une dégradation de ses capacités cognitives. Puis bon, moi, je connais sa fille. Puis là, lui. Par exemple, ce monsieur-là, ça fait plusieurs années que sa femme est morte, puis là, il cherche sa femme. Puis là, je vais poser la question à l'esprit. Pourquoi qu'on arrive à des situations pareilles? La réponse qui me vient, c'est l'inconscience. Et là, je pose la question à l'esprit, bien, pourquoi vous ne rendez pas les gens plus conscients, par exemple, de l'impact de leur habitude de consommation, dans le sens où la personne va. Dans de la restauration rapide, manger continuellement des beignes avec du sucre blanc, que quelque part, à un moment donné, ça risque de lui amener des problèmes de santé. Ce que ça me répond, c'est que l'esprit peut pas communiquer avec tout individu, car il y en a qui n'ont pas les corps pour soutenir la vibration. Mais s'ils n'ont pas les corps pour soutenir la vibration, puis ils n'ont pas le signal interne de se détacher de l'effet de mode, l'effet de programmation sociale avec ces publicités qui nous incitent continuellement à manger de la malbouffe, eh bien, qu'est-ce que l'individu peut faire? C'est pas évident. Dans le sens que si l'individu n'a pas un point de référence interne pour se détacher du collectif, d'être capable d'être au gouverneur de sa vie, c'est pas évident. Ou s'il n'y a pas la sensibilité d'intercepter le système parce que sa conscience n'a pas été altérée sur le plan psychique, c'est sûr que l'individu qui regarde la publicité, on lui propose continuellement de manger des beignes ou de la nourriture rapide, que ce soit à TV, sur les médias sociaux, dans les journaux. Ensuite, les collègues de travail, c'est sûr, s'ils mangent tout le temps des beignes, puis amènent ça au bureau, ils vont avoir le goût de manger probablement des beignes aussi. Donc, il y a tous des cercles vicieux qui amènent les gens à avoir, dans certains cas, une alimentation qui finalement les amène à développer des problèmes de santé. Puis dans ça, quand je regarde ça avec ma conscience, c'est qu'il y a un adage qui dit « si vieillesse savait et si jeunesse pouvait ». Mais pour pouvoir adopter des saines habitudes de vie, ben, il faut des fois s'arracher à un effet de mode ou à du collectif. Tout ça pour dire que, à quelque part, il faut être capable de se détacher de l'effet de mode, dans le sens que c'est pas parce qu'on est dans une collectivité où ce que le monde mange mal, ils mangent continuellement du fast-food ou ils prennent continuellement de l'alcool ou de la cigarette qu'il faut nécessairement aller dans ce sens-là. Et c'est sûr que la personne qui n'a pas de référent interne, extérieur à la programmation sociale, c'est très difficile en fait pour lui d'agir d'une manière individuée. Donc si la personne n'écoute pas sa voix interne ou qui n'est pas consciente de son existence, bien c'est sûr qu'elle ne peut pas s'ajuster à elle. Et là, c'est un cercle vicieux parce que souvent, ça prend des événements en choc pour que la personne prenne conscience de sa voix interne. Et dans certains cas, les gens n'ont pas la capacité d'assumer ou soutenir constamment les chocs sans sombrer dans la folie. Fait que du côté des plans de la lumière, ils sont confrontés au dilemme que s'ils branchent quelqu'un qui n'a pas la capacité de compter sur leur énergie, ben il va sombrer dans la folie. Mais s'ils ne branchent pas la personne, puis la personne continue à avoir des comportements délétères, nuisibles pour sa santé, c'est sûr qu'elle peut se ramasser, passer l'âge de 80 ans avec de l'Alzheimer ou d'autres problèmes de santé. Si je pose la question au plan de la lumière, est-ce que c'est leur fonction d'empêcher les gens de développer des problèmes de santé? La fonction principale des plans de la lumière, c'est pas ça. Le but, c'est que les gens éventuellement évoluent en les exposant à certains scénarios. Donc, derrière ça, c'est à l'individu lui-même d'être le gardien de sa santé, de son intégrité psychique, en dépit de différents modes auxquels il peut être exposé. Et ça, c'est pas évident. Dans le sens que si à un moment donné, la mode, c'est de se faire implanter une puce sous la peau ou d'avoir tout le monde des téléphones cellulaires puis les utiliser 24 heures sur 24, alors que l'exposition au téléphone emmène aussi simultanément l'exposition à certaines ondes peuvent créer des tensions sur le plan énergétique par rapport au corps de l'être humain, voire le perturber, bien, c'est à l'individu de faire preuve de discernement et c'est très difficile de se soutenir individuellement. Dans ma vie, j'ai été confronté à différents défis, dans le sens qu'au début de la vingtaine, j'étais avec des gars de mon âge, eux autres, ils buvaient de l'alcool, donc si je bois pas de l'alcool avec eux, bien, à quelque part... J'étais différent. C'est quelque chose qui me mettait en position de marginalité. Je sais que pour d'autres personnes étaient dans une période où ce que de fumer la cigarette, c'était à mode. S'ils fument pas, ben ils sont marginaux. À un moment donné, fumer la cigarette récemment, c'est plus à mode. Et là, si la personne fume, est marginalisée. Des fois, il y a des inversions aussi de réalité qui vont se produire. Des fois, le collectif va s'ajuster pour plus d'intelligence avec des effets de mode, mais dans d'autres cas, non. Parce que, à quelque part, la mode qui était plus saine dans le passé est remplacée par d'autres modes qui ne le sont pas. D'où le discernement individuel. Sinon, la pertinence de vivre au-delà de la mode vient du fait que la mode est fluctuante dans le temps. Donc, à la base, il était à la mode chez les femmes d'allaiter leurs enfants. Par la suite, il y a eu des scientifiques qui ont découvert qu'il y avait des produits chimiques liés à l'activité humaine qui se ramassaient dans le lait maternel. Donc, ils ont alerté la population pour que les femmes arrêtent d'allaiter les enfants pour ne pas les exposer aux produits chimiques contenus dans le lait maternel. Et par la suite, eh bien, se sont rendus compte qu'en dépit qu'il y avait des produits chimiques dans le lait maternel, le lait maternel était plus avantageux pour le développement de l'enfant, bien qu'il peut comporter que des produits chimiques, que l'enfant ne bénéficie pas du lait maternel là, qui peut amener, entre autres, la transmission d'anticorps de la mère vers l'enfant. Donc, on part d'un mode où ce que c'est l'allaitement, ensuite, non, on s'oppose à ça, pour ensuite revenir à l'allaitement. Donc, de la fluctuation. Même chose par rapport à la question du bronzage. Donc, il y a une mode par rapport aux peaux bronzées. Par la suite, il y a des scientifiques qui ont dit non, passer trop de temps exposé au soleil, c'est pas bon, ça peut amener le développement de cancer de la peau. Et par la suite, il y a des gens qui vont arrêter de prendre des bains de soleil. Par contre, en contrepartie, si la personne devient carencée en vitamine D, liées à l'exposition au soleil, c'est pas bon. Fait que là, ça redevient pertinent de prendre du soleil. Il y a des scientifiques qui vont dire, ben, vous pouvez prendre du soleil, mais pas plus qu'une demi-heure par jour. Donc, ce qui est la mode ou qu'est-ce qui est la vérité pour une collectivité varie en fonction du temps, d'où le fait qu'à un moment donné, pour trancher, il faut partir de soi-même. Il faut être le point de référence. Sinon, tantôt, je faisais allusion à la mode de la consommation de cigarettes, d'alcool ou de drogue, même pendant la période des Peace and Love. Mais en fait, en tant qu'individu, dans le cadre de cet enregistrement, je ne suis pas opposé aux gens qui, en tant que tels, qui fument la cigarette ou qui boivent de l'alcool. Moi-même, ça m'arrive une fois de temps en temps de boire de l'alcool. C'est plus que. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la personne s'écoute d'abord. À un moment donné, j'ai échangé avec une personne, puis j'y expliquais, ben, il y a des gens qui, elle se sentait coupable parce qu'elle écoutait des enregistrements de méditation pour dormir ou se relaxer, de méditation guidée. Puis j'ai dit, ben, t'as pas. Puis elle a dit, ah, ben, c'est astral. Mais j'ai dit, t'as pas à te sentir coupable. Parce que moi-même, premièrement, j'en écoute, et puis il y a des comportements qui peuvent, pour certains, être jugés comme étant astralisés, comme fumer la cigarette ou fumer le cigare, alors que des gens, comme par exemple Bernard de Montréal, fumaient abondamment la cigarette, Marc de la Salle, le cigare. Donc, fumer, boire de l'alcool. Ensuite, même à un certain niveau, prendre de la drogue, ça ne veut pas nécessairement dire que le comportement est astralisé. Ça dépend dans quel contexte qui est fait. Et là, il y a des nuances importantes aussi à faire par rapport au dosage. C'est sûr, même chose pour la consommation de sucre auquel je faisais allusion tantôt. C'est sûr que si la personne, à tous les jours, elle mange juste de la nourriture sucrée et de la nourriture grasse, un peu comme la personne qui. Il y avait eu un documentaire qui était produit il y a plusieurs années, que ça s'appelait Super Size Me. Et c'est un documentaire par rapport à un monsieur qui avait décidé de manger à chaque jour du McDonald's. Et il était évalué là, par la suite, là, t'sais, son niveau de cholestérol, puis différents indicateurs liés à la santé. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact sur lui, là. Donc, une question de dosage qui peut avoir un impact, là, sur la santé. Donc, l'idée de mon propos, c'est pas de faire la promotion des saines habitudes de vie dans une perspective morale, mais plutôt de faire l'étude de phénomènes de mode qui sont nuisibles par rapport à des gens du collectif. Et là, après ça, il y a des gens qui se posent la question, comment ça qu'aujourd'hui, il y a plein de monde qui sont obèses? D'ailleurs, l'Organisme mondial de la santé va parler d'épidémie de cas d'obèse. Ensuite, comment ça qu'il y a plein de monde qui vont faire de l'hypertension, qui vont faire du diabète, puis qui ils vont être atteints de démence et de maladies d'Alzheimer? Ben là, il y a des raisons. L'alimentation a beaucoup d'impact. Donc, autrement dit, pour revenir au cas qui me fait réagir, donc une personne qui me confie que son père, qui est âgé de plus de 80 ans, est atteint d'Alzheimer. Ben là, c'est sûr que j'ai pas fait avec elle, là, elle m'a pas demandé ça, là, mais tu sais, ce qui aurait été intéressant, c'est de faire l'étude de ses habitudes de vie, donc sa alimentation, entre autres, pour voir l'impact cumulatif sur plusieurs décennies que ça a pu avoir. C'est sûr qu'il y a des choses, prenons par exemple un cas concret comme, par exemple, j'ai. L'un de mes grands-pères qui est décédé du cancer du poumon. Donc, c'est une personne qui fumait régulièrement. Donc, c'est sûr que je n'ai pas été surpris d'apprendre qu'il est mort du cancer du poumon. Ce grand-père en question avait fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était un soldat canadien. Et lui, dans l'optique de ne pas aller au front, bien, il avait été à titre de mécanicien de Jeep, donc des véhicules militaires, pour en faire la réparation. Et c'est sûr qu'avec le recul d'être mécanicien de Jeep, moi, c'est sûr que comme porte de sortie entre ça puis aller combattre comme fantassin au front, sachant les horreurs associées à la guerre. Même aujourd'hui, en 2023, on parle par rapport au conflit là, entre l'Ukraine et la Russie, que des crimes là, comme par exemple des viols de femmes, ensuite des meurtres de gens, des civils, ainsi de suite. Bon, ben, probablement que dans la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu. Puis moi, en tant qu'individu, c'est sûr, j'aurais pas voulu être associé à ça de près ou de loin. Donc, on a dénoncé les crimes qu'ont commis les nazis, mais probablement que du côté des Alliés, il y a sans doute des crimes qui ont été commis également, mais que probablement qu'on s'en vantera pas. Mais c'est ainsi. C'est sûr que dans le temps de mon grand-père, bien, la psychologie n'était pas autant développée aujourd'hui, encore moins la psychologie évolutionnaire ou la conscience vibratoire. Ce qui fait que si j'aurais dit à mon grand-père, au lieu d'utiliser la cigarette comme locus d'externalisation du stress, au lieu de fumer pour te détendre, bien tout simplement pratiquer la cohérence cardiaque ou des techniques de méditation, comme la pleine conscience, observation de la respiration, peut-être qu'il m'aurait ri en pleine face ou pratiquer des mouvements calmes de détente de yoga, peut-être. Mais ces techniques-là pour gérer le stress sont moins dommageables que naturellement là, fumer la cigarette en grande quantité ou boire de l'alcool là, pour se détendre, parce que les gens qui boivent trop d'alcool, il y en a qui deviennent alcooliques, il y en a qui font une cirrhose du foie. Mais c'est une question de conscience puis d'habileté et outils de gestion. C'est sûr que tout ça pour dire quoi, cet enregistrement? Bien, le but de l'enregistrement, c'est de dire que si vous vivez en fonction de la mode, c'est pour le meilleur et pour le pire en fonction de référents extérieurs à vous qui, dans certains cas, peuvent vous desservir. Et souvent, quand que des éléments sont néfastes, comme par exemple la cigarette, ça prend des procès, puis là, ça a pris des plusieurs décennies avant que les effets négatifs de la cigarette soient reconnus au niveau du collectif, puis des gens qui ont fumé pendant leur vie puissent, dans certains cas, être indemnisés là, par des compagnies de tabac et ainsi de suite, là. Donc, tout ça pour dire quoi? L'important, c'est de prendre en considération maintenant qu'est-ce qui est sain pour vous. Peut-être que dans quelques décennies, on va se rendre compte que, par exemple, l'utilisation abondante du téléphone qu'on dit intelligent avec un petit écran par des enfants à bas âge va amener une épidémie de déséquilibre postural chez l'enfant par rapport à la posture du dos, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui utilisent le téléphone cellulaire sont continuellement penchés. Ensuite, aussi au niveau de la vision, si l'œil de l'enfant est utilisé constamment pour regarder des petits détails, peut-être que l'enfant, dans certains cas, va développer des problèmes de myopie, donc de capacité de voir au loin. Puis si l'enfant utilise le téléphone intelligent, puis par lui-même, il n'est pas éduqué à faire la pause 20-20-20, donc à regarder à 20 mètres pendant à tous les 20 minutes, pendant 20 secondes, ben c'est sûr que peut-être qu'il va avoir des problèmes avec les yeux, puis on va se ramasser avec une épidémie d'enfants avec des lunettes, ainsi de suite. Donc, il y a des effets négatifs, des effets pervers liés au mode de vie contemporain, et la plus grande sagesse que j'ai pu observer au fil du temps, ben c'est de se ramener au principe que il y a plusieurs milliers d'années, l'être humain vivait dans un contexte très différent de celui actuel associé à l'ère industrielle et la production de masse et l'abondance, entre autres, de sucre, de technologie. Donc, à mon avis, le corps humain n'est pas adapté présentement à l'industrie, à la nourriture, pardon, industrielle. Peut-être que dans quelques millénaires, ça sera le cas, là, mais le corps physique, à la base de ma compréhension au fil des ans, est faite pour fonctionner dans un contexte où le sucre est rare. Autrefois, pour nos ancêtres, le sucre était rare. Il y avait du miel dans la nature, mais il n'y avait pas du sucre raffiné là, un peu partout avec des restaurants rapides là, en ville. Là. Donc, c'était un contexte très différent. Pourquoi que c'était intelligent dans un contexte passé que l'être humain soit accro au sucre? C'est que le sucre était rare et souvent les êtres humains étaient confrontés à des périodes de disette où il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Donc, si on pouvait accumuler des calories, c'était intelligent parce que l'être humain ne savait pas s'il allait manger le lendemain, C'est-à-dire que s'il était chasseur-cueilleur, bon, mais ça ne veut pas dire que le lendemain, il va attraper un animal pour s'en nourrir. Ce qui fait que s'il y a des réserves en sucre, c'est intéressant. Par contre, dans un contexte où la nourriture est abondante puis il mange à tous les jours, le fait d'avoir accès à une grande quantité de sucre ne l'est pas. Donc, tout est en fonction de différents contextes et d'où l'importance du discernement. Et dans mon mode de vie, je vais à fonctionner au-delà du mode du collectif. Et tout ça pour vous dire que, prenons par exemple l'instruction supramentale que développait Bernard de Montréal. Bon, bien, c'est une instruction qui n'est pas à la mode dans ou très rare, là, dans des milieux très fermés, là, dans les années 1980. Donc aujourd'hui, sur Internet, par rapport à certains groupes sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'intéressent un peu à ça, donc une certaine mode. Mais c'est pas une mode qui rejoint le collectif parce qu'on n'entend pas parler de ça dans les médias de masse, là. Donc, mais si on attend que quelque chose devienne à mode pour s'y intéresser, on risque d'attendre longtemps. Et l'individu qui est réellement un initié, c'est-à-dire qui fonctionne en fonction de lui-même, si la chose l'intéresse, que ce soit à mode ou pas à mode, eh bien, il va aller de l'avant pour son étude. Donc, dans mon cas, même si c'est pas à mode, l'instruction supramentale de Bernard de Montréal, et qu'en général, les gens sont indifférents. Si j'ai la vibration d'écouter les enregistrements, je les écoute pareil. Même chose pour les enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué pour sa philosophie, mais il faut quand même reconnaître que cette personne qui donne des conférences est encore lucide de passer l'âge de 80 ans. Donc, il est capable quand même de prendre la parole, avoir des propos cohérents, et intelligibles, puis même il continue à écrire des livres. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Donc, le mode de vie que fait la promotion, qui est en dehors des paramètres sociaux habituels, parce que lui, il a grandi dans le contexte catholique québécois. Bon, ben quelque part, on voit l'arbre à ses fruits dans le sens que ça l'a servi. Lui, il s'entraînait physiquement en soulevant des poids et haltères. Il avait une vie amoureuse et sexuelle riche. Bon, ben peut-être que ça participait à le garder en santé, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui encore, au moment où il fait cet enregistrement, il est capable d'écrire des livres à différence de d'autres personnes qui, une fois passé l'âge de 80 ans, comme le monsieur auquel je fais allusion, ben il y a des problèmes de santé qui fait qu'il n'a plus toute sa tête, là. C'est sûr que le monsieur, c'est très regrettable, là, et tu sais, qui est atteint d'Alzheimer, bon, ben, sa fille me disait, ben là, il cherche sa femme qui est, comme je disais tantôt, qui est décédée depuis plusieurs années, puis là, il pense que sa femme est perdue, puis elle cherche un peu partout, puis il appelle sa fille affolée. Pourquoi? Ben, parce que le souvenir récent, l'effet que, dans le fond, sa femme est morte, c'est comme s'il n'y avait pas accès, puis là, il vit en fonction d'un passé. Et c'est sûr que des fois, ce qui arrive aussi, c'est quand que les personnes atteintes d'Alzheimer sont en résidence de personnes âgées. Il y en a beaucoup qui peuvent vouloir faire des fuites parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas chez elles. Ils n'ont pas intégré l'information que c'est leur nouveau milieu de vie. Fait que là, ils cherchent à retourner dans la résidence où ils étaient auparavant, qui est pour eux leur chez eux, parce qu'ils n'ont pas la mémoire ou intégré l'information. Que leur niveau de vie, c'est la résidence de personnes âgées. Et c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ne font pas le deuil aussi de leur vie d'avant. Là, puis c'est normal quand ils vivent des instants de lucidité. Au fait du temps, certains concours de circonstances m'ont amené à étudier le phénomène de la vieillesse à plusieurs niveaux, entre autres à travers ma grand-mère qui est âgée de 99 ans, que je vais voir de manière ponctuelle. Comme hier, j'avais été la voir et la visite de ma grand-mère m'amène l'importance primordiale pour les proches aidants de gens qui sont à résidence de faire preuve de vigilance. En ce sens que hier, lorsque j'ai été, en fait, je dis hier, le temps passe tellement vite, c'était avant-hier, j'ai été la visiter à la résidence. Bon, ben, exposé de ne pas manger de la nourriture solide. Donc, en bon Québécois, il est supposé de manger du mou. Et sur l'heure du souper, donc, j'étais sur le point de partir. Puis là, j'étais avec mon frère. Mon frère dit, on va rester, on va attendre qu'elle soit servie. Et là, surprise, quand elle se fait amener le plateau avec son repas, Il y avait des sandwichs et c'était des sandwichs solides. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas. À la résidence, ils étaient exposés de la nourriture en purée ou en petits morceaux pour éviter qu'elle s'étouffe, compte tenu qu'elle a des difficultés à absorber la nourriture, ce qui n'a pas été le cas. Et là, c'est sûr que ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, si elle mange de la nourriture solide puis elle a de la difficulté, ben peut-être qu'à un moment donné, elle va mourir étouffée, là. Donc, ça prend de la vigilance des proches. Et qu'à quelque part, je réalise que la vie d'une personne ne tient pas à grand-chose. À un moment donné, j'avais entendu parler dans un bulletin de nouvelles qu'il y avait un individu qui était mort étouffé là, en mangeant un cocombe. Donc, tu sais, un accident bébête là, qui aurait pu être évitable. Comme dans le cas de ma grand-mère, elle s'est fait servir de la nourriture solide. C'est pas la première fois qu'elle arrive et la personne qui est responsable auprès d'elle, la diététicienne, était au courant de ça. Peut-être que l'information s'est pas rendue au cuisinier qui était peut-être en vacances, parce qu'au moment où il a fait l'enregistrement, c'est la période des vacances estivales, qui a pas donné l'information au cuisinier remplaçant d'avoir une nourriture adaptée. Mais le point, cet incident qui s'est passé récemment m'a ramené au principe que notre vie ne tient pas à grand-chose et que présentement, le collectif de l'humanité est pas développé pendant des siècles et des millénaires, composé avec des gens avancés en âge, comme des gens qui sont presque des centenaires, comme ma grand-mère de 99 ans. Sur le plan historique, le phénomène de la vieillesse, c'est un phénomène qui est récent. Dans le sens que l'espérance de vie a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies. Et au niveau collectif, de composer intelligemment avec une quantité grandissante de personnes âgées, c'est un défi de taille. D'ailleurs, ici au Québec, d'avoir accès à une résidence de personnes âgées, c'est un défi présentement. Et aussi d'avoir accès à des soins adéquats ou du personnel. D'ailleurs, il manque des préposés aux bénéficiaires. Et ça, c'est toute cette situation-là est en relation avec le phénomène du vieillissement. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que les êtres humains en général vivent d'une manière vieillissent d'une manière prématurée? La réponse, c'est oui. Pourquoi que les gens vivent d'une manière prématurée? C'est tout le temps les mêmes principes. Des fois, en tant qu'ego, quand j'observe ça m'écœure parce que c'est circulaire. La personne a vit d'une manière elle meurt d'une manière prématurée, pardon, parce qu'elle n'est pas capable de gérer l'émotion, elle n'est pas capable de gérer son alimentation, son rapport au corps physique, mais il peut pas en être autrement parce qu'elle n'a pas la conscience ou accès à l'information tu sais, elle n'a pas l'accès à l'information interne ou externe pour l'ajuster. Donc, en dépit d'un ajustement extérieur, bon, prenons par exemple des psychologues qui vont aider les gens à gérer leurs émotions. Ou, comme je disais tantôt, ben, la personne, au lieu de fumer la cigarette d'une manière abondante, là, comme une personne qui fume comme une chevidée, on va dire, puis elle se ramasse avec un cancer du poumon, bon, ben, si la personne a la place à gérer son émotion en faisant de la méditation pleine conscience ou du yoga, bon, ben, c'est sûr que si elle a l'information que ça existe comme à l'époque d'aujourd'hui, ben, ça peut être utile. Ça, c'est de l'information externe. Mais quelqu'un qui est précurseur sur son temps, c'est-à-dire qui bénéficie d'une conscience initiatique, il va recevoir l'information à l'intérieur de lui, de gérer intelligemment par lui-même sa santé. Mais pour avoir accès à ça, il faut avoir la stabilité mentale pour contenir l'énergie de l'esprit. Puis c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Puis la personne qui a une conscience puis de la lucidité, ben, elle observe. Il a fait des prises de conscience en lien avec ses observations par rapport au collectif ou par rapport à sa vie et également par rapport aux intuitions qu'elle reçoit. Mais vivre, pour en venir au titre de l'enregistrement, vivre au-delà de la mode, ce que ça peut représenter dans ma vie, ben, c'est d'avoir un fonctionnement qui est atypique à comparer des autres et être capable de le soutenir. Des fois, on peut avoir des regrets. Dans le sens que quelqu'un peut avoir une vibration de faire quelque chose, comme par exemple de pas manger de la viande rouge parce que la personne n'aime pas ça, puis là, à cause d'influence d'environnement, elle se met à en manger, puis là, à un moment donné, ben, il n'y a plus personne pour l'influencer, elle vit tout seul en logement, donc il n'y a pas un conjoint ou des membres de famille pour lui tordre le bras pour manger de la viande, finalement, elle n'en mange pas, puis elle va de l'avant avec ce qu'elle voulait à la base, puis ah, ben, je me sens plus léger après avoir mangé. la personne peut faire des fois certains constats comme ça. Donc, tout ça pour dire, ben, l'important par rapport à toutes les prises de conscience qu'on peut faire dans notre vie, puis la question de la mode, c'est que à mesure qu'on est capable de supporter notre individualité, et puis à mesure on peut fonctionner sans être soumis à des modes. Depuis plusieurs années, j'écoute de la musique du groupe allemand Heavy Metal, Rammstein. Je vous dis pas d'écouter ça, là. L'idée, c'est pas d'en faire la promotion, mais c'est quand j'écoute cette musique-là, ça m'aide à m'entraîner physiquement. Comme aujourd'hui, j'ai été faire du jogging à l'extérieur. Et il y a une personne qui a pris des enregistrements de Rammstein, en a fait des remixes, puis elle a mis ça bout à bout sur une piste audio. Et là, je vais écouter ça pendant que je fais mon jogging. D'ailleurs, je vais vous la partager là, en bas de l'enregistrement à présent, ainsi que en bas d'enregistrement aussi, là, le lien là, par rapport à la vidéo liée à la santé du cerveau. Et aussi par rapport aux femmes qui se sont mises à fumer la cigarette en 1929, là, auquel je faisais allusion tantôt. Mais tout ça pour dire que récemment, il y a eu dans les médias des informations qui ont circulé le fait que le chanteur du groupe de Rammstein aurait identifié des filles dans des spectacles pour ensuite les amener dans sa loge, les droguer. Et il y aurait eu des accusations comme de quoi là, qu'il aurait procédé là, en plus des droguer à des abus sexuels. Bon. Il y a des gens de mon environnement, différentes sources, parce que je leur avais dit que j'écoutais de la musique de Rammstein, m'ont rapporté les incidents. Et ce que je leur ai dit est ceci. C'est que par rapport à la musique de Rammstein, moi, ça m'aide à m'entraîner physiquement, notamment lorsque je fais du jogging. Donc, je vais continuer à écouter les enregistrements par contre, naturellement, si le chanteur est reconnu d'abus d'autorité là, par rapport à des fans. En fait, c'est peut-être pas de l'abus d'autorité, là, c'est carrément de l'agression sexuelle. Donc, s'il y a des accusations criminelles qui sont formulées contre lui et qui est reconnu coupable de viol, par exemple, bon, ben c'est sûr qu'il y aura à purger une peine en conséquence. Mais est-ce que ça va m'empêcher d'écouter la musique de Rammstein? La réponse, c'est non. Ça me donne du dynamisme. C'est sûr que si je ferais une enquête sur les mœurs morales des différents musiciens que j'écoute de la musique, j'en finirais plus, là. J'écoute aussi de la musique de Michael Jackson. Michael Jackson avait été accusé là, de pédophilie par plusieurs personnes. Est-ce que je donne une... comment qu'on appelle ça? Je donne un accord avec les actions que peut faire un chanteur? La réponse est non. Naturellement, je suis opposé au viol ou à la pédophilie. Par contre, le point, c'est que... Parce qu'à un moment donné, j'avais rencontré... c'était un programmeur d'une station de radio. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'avant de faire jouer un groupe de musique, il faisait une vérification de ce qu'il me disait, minutieuse et méticuleuse, à savoir si les membres du groupe ont été accusés ou reconnus d'actes criminels. Et là, moi, je trouvais que ça demandait bien trop d'énergie. Donc, si quelqu'un, par exemple, s'occupe de faire l'animation d'une émission, Et il y a peut-être une douzaine de chansons qu'il va jouer pendant son émission, là, de tout faire ces vérifications-là. Moi, je trouvais que c'est une perte de temps. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si, à travers la musique, les paroles de chansons invitent au viol ou à la pédophilie, là, je suis d'accord pour dire que la chanson ne doit pas être diffusée ou censurée. Bon, pour ce qui est d'un chanteur décédé, prenons par exemple le cas de Michael Jackson depuis plusieurs années, qui a été accusé de pédophilie. Est-ce que ça va m'empêcher d'écouter l'album Trailer avec des chansons comme Billie Jean ou Beat It? La réponse, c'est non. Je fais une distinction entre l'individu et son œuvre, et c'est pas parce que j'écoute la musique d'un individu que ça veut dire nécessairement que j'adhère totalement aux propos qu'il peut avoir dans sa vie en dehors de les chansons. Même chose par rapport à Spyran, je m'intéresse au philosophe jovialiste André Moreau ou Bernard de Montréal ou différents enseignants ou instructeurs. C'est pas parce que je m'intéresse à eux que je donne un appui moral et cautionne tous les actes qu'ils ont pu avoir commis. Donc, tout ça pour dire de l'importance de faire preuve de discernement. Puis en lien avec ça, ben ça ramène au principe qu'à un moment donné, la musique, dans le domaine de la musique industrielle metal, Rammstein, c'était un groupe fort qui a développé un style qui a été à la mode. Là, récemment, il y a eu des accusations qui ont été formulées contre le chanteur. Et là, il y a des gens qui veulent plus que la musique de Rammstein joue dans les radios, que le groupe soit boycotté. Puis pour ce qui est de mon cas, ben, je continue pareil à les écouter. Et pourquoi? Ben, ça me donne plus de dynamisme quand je vais faire mon jogging le matin que si j'écouterais, par exemple, de la musique de détente de Patrick Bernard ou de la musique de méditation guidée pour m'endormir. Il faut faire preuve de jugement. Et vivre au-delà de la mode, c'est de réaliser qu'à un moment donné, ce qu'on écoute, ça peut tomber en affinité avec le collectif puis être à mode. Puis à un moment donné, c'est plus le cas. Mais vivre en fonction de soi, que ça soit supporté ou pas par le collectif, si on a la vibration d'écouter cette musique-là ou d'écouter ces enregistrements-là, on les écoute pareil. C'est ainsi. Ça s'appelle vivre en fonction de soi. Donc, c'est sur ces considérations que je vous laisse maintenant. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.